Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h sur 89.4. Deux heures de son pas comme les autres. Pop Rock, Electro, Reggae, World. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Votre programme Label Rock en vacances en cette fin de mois de juillet, mais qui pense tout de même à vous. Je vous l'avais annoncé sur Virgin Radio qu'il y aurait quelques surprises du côté de ce podcast. Premier podcast donc estival que je vais vous livrer avec pas mal de nouveautés, comme d'habitude, avec un petit côté estival tout de même, puisque ce sont les vacances d'été. Alors au programme ce soir, divisé en plusieurs segments, avec des petits morceaux qui vont s'enchaîner comme ça. On aura de la musique un petit peu latine, un petit peu chaude, évidemment, c'est le soleil, c'est l'été, avec des choses comme Monaretta, que je vous ai présenté avant, ainsi que Face, une très bonne nouveauté, ça s'appelle Because I Can. On aura aussi un petit peu d'électro aussi, puisque c'est normal, c'est l'été, on a tendance à faire la fête et on bouge, avec notamment une énorme nouveauté techno qui nous vient du label Infine en la personne de Maître Agoria, Grande Torino, nouveau single 12 inch qui commence à faire pas mal de dégâts sur tous les dance floors du monde. Voilà, on a aussi du français avec The Craze et Maelstrom. Et pour terminer cette petite série électropop, un groupe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Yacht, avec un remix pour l'occasion d'un titre qui s'appelle The Afterlife, remixé par Dat Politics. Mais pour commencer, du calme avec une nouveauté française, ça s'appelle Alba Lua, le titre s'appelle Sungaze. Vous écoutez Label Rock. Bon, j'allais dire comme tous les dimanches, non, vous l'écoutez quand vous voulez, c'est sur le podcast, c'est 24h sur 24, 7 jours sur 7, pendant cet été 2010. Profitez-en bien, c'est parti. We'll be right back. Thank you. avec Sébastien Guess. We're ready. Sébastien Glass. Thank you. Première 40 minutes de ce premier podcast du mois de juillet, Label Rock, avec pas mal de bruit et du rythme au programme. Avec, pour commencer, on était parti tout doucement avec Alba Lua, hein, je vous rappelle, maxi sur le label Satellite of Love. Un maxi, trois titres enregistrés à Barcelone, mais qui nous vient d'un groupe de Bordeaux, composé de Pepo, Pascal et Renoir. Premier album prévu pour début 2011. Ensuite, on était parti faire un petit tour du côté de la house music avec le label ITH. C'est un souvenir de 2007, apparemment un artiste mexicain du nom de Face. Je vous rappelle que ITH est tout simplement In-House Records, sous-division du label Defected, et en général c'est du lourd. Ambiance latine, ambiance lourde aussi, puisqu'on est passé du Mexique à Bogota en Colombie avec un groupe que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Mona Reta. Apparemment c'est pas tout neuf, hein, ça date de 2008. En tout cas c'est sur un excellent label qui s'appelle National Records. On était ensuite resté du côté de la France, hein, revenu du côté de la France avec The Craze, un duo composé de Yuxek et Brodinski. C'est sur le label français Abracada, ça s'appelle The Craze featuring Ebony Bones, c'est du luxe. Le titre c'est We're Ready When You Are, et ça cartonne un petit peu de partout sur tous les dance floors de France, voire du monde. Ensuite, nouvelle et plus récente prod pour notre producteur lyonnais favori, c'est Agoria, évidemment. Agoria qui a un été assez passionnant, hein, puisqu'il joue notamment du côté de Barcelone le 24 juillet. Le 30 juillet, il sera du côté de Brest, hein, pour un set de DJ à l'Astropolis. Ensuite, direction l'Espagne, notamment Ibiza le 4 août, où il jouera du côté de Space. Il jouera ensuite le 7 août du festival Aquacela, c'est Asturias en Espagne, avant de revenir à une beach party in fine le 13 août du côté de Montpellier. On repart du côté de Ibiza en Espagne le 25 août pour revenir en France à Saint-Malo, festival Escalier le 28 août. Et le 28 août, il joue aussi du côté de Genève à l'Overground Festival. Je vous rappelle que le mieux c'est d'aller voir toutes les dates sur son MySpace, www.myspace.com/agoria. Voilà. Je vérifie, ouais, Agoria, Goria, tout simplement. Encore une fois, hein, vous cliquez de toute façon sur le lien mis en site sur le blog de Label Rock. Nouveauté aussi, troisième maxi français, Maelstrom, hein, c'est sur Expression, ça s'appelle Different Train EP, de la très bonne techno avec parfois une petite pointe d'acide et des réminiscences dubstep, à l'anglaise. Et pour terminer cette petite série électropop, le duo américain Yacht, c'était depuis j'ai regardé sur le site internet pendant que je diffusais ce titre. Je vous avais pas passé de titre de Yacht depuis octobre 2009, et ma foi ça fait du bien de réécouter. C'est extrait évidemment de leur dernier album Sea Mystery Lights, remixé pour l'occasion par Dat Politics. On va continuer avec ce podcast, une nouvelle série beaucoup plus calme. On commence avec du blues des artistes français qu'on avait vu du côté des Mardis du Grand Marais. Il s'appelle Mountain Man, l'album s'appelle Springtime Coming. Un titre tout de suite enchaîné d'un petit classique signé par le groupe de Method Actors, et puis ensuite un morceau épique sur le dernier album des MGMT, alias Management, ça s'appelle Siberian Breaks, 12 minutes de pur bonheur. Charm Man. I'll be wanted as in days long gone. You love me so much, but I'm so far away. So much to do before it's time. To lie together, then you're always so tired. I'll be gone off to go for my pay. And my chance with my woman will sleep by again. You love me so much, so far away. When I get back home, show hope you feel the same. Label Rock avec Sébastien Gass. Label Rock, avec Sébastien Gass. Not enough. Sébastien Gasse. que c'est bon tout ça sur le podcast de Label Rock. À l'instant, un extrait du deuxième album des Américains de MGMT Management, un album, je vous rappelle, produit par l'anglais Sonic Boom, un album véritable voyage psychédélique composé de 9 morceaux dont celui-ci, un clé Siberian Breaks, 12 minutes de pur bonheur. À noter pour tous les fans de MGMT que le groupe viendra en Europe à l'automne prochain avec 3 dates au Bataclan à Paris, dont une au Transborder de Lyon-Villeurbanne, ça sera le 14 décembre, juste avant un souvenir avec un des groupes qui a émergé de la scène d'Athènes aux États-Unis, une ville bien sûr popularisée par les REM entre autres. D'ailleurs on retrouve Peter Buck, un des garçons de REM qui écrit sur le livret qui accompagne le CD que les méthodes acteurs sont tout simplement un des meilleurs secrets gardés d'Athènes. Vraiment une très belle compilation qui s'appelle This is Still It sur le label Acute Records. Qui regroupe un petit peu les premiers enregistrements du groupe de Method Actors qui datent de, entre autres, de 1980 à 1981, des enregistrements réalisés à Londres. Vraiment une très belle compilation pour tous les amoureux de post-punk. Et puis on était reparti dans ce podcast avec un morceau blues qui sonne très américain, pourtant non, c'est un duo français qu'on a vu d'ailleurs au Mardi du Grand Marais, Riorge, c'était en février 2009, les Mountain Men, She Loves Me So Much, voilà, tiré de leur album qui s'appelle Springtime Coming. Label Rock sur le podcast, ça continue avec ça. Label Rock avec Sébastien Gass. Neck, chest, waist to fly, easy to take. You could take me in four hours, make me a deal. And day a piece, take it all, just stay a week. I'll take you in pieces, we can take it all apart. I've suffered shipwrecks right from the start. I've been underwater, breathing out and in. I think I'm losing where you end and I begin. Basic space, open air. Don't look away when there's nothing there. Actualité de qualité pour un des groupes de Label Rock pour l'année 2009, évidemment les londoniens dits XX. Ils étaient du côté des nuits de Fourvière, c'était dimanche soir, agréable, très agréable moment, même si l'attente a été un petit peu longue. Hein. Apparemment, j'ai eu des oui-dire qu'ils auraient raté l'avion. Et d'ailleurs, Oliver, qui pendant le set livré dans les superbes théâtres romains, disait que le voyage avait pris 12 heures, mais que ça valait franchement le coup d'être du côté de Lyon, dans cette ville magnifique, avec cette salle de concert, ce lieu vraiment exceptionnel. Voilà, Romy, Oliver et Jamie, donc, qui ont fait vibrer tout le public lyonnais des nuits de Fourvière. C'était dimanche soir, double actualité, je vous disais, puisque on vient de s'écouter Basic Space, nouveau single tiré de leur premier album. Ça sort le 3 août chez Young Turks, disponible un petit peu partout via le net. ready to owe you anything. I'm ready to owe you anything. I'm ready to owe you anything. Label Rock avec Sébastien Agas. Dose et haute qualité de pop rock indé dans ce podcast Label Rock avec trois groupes que vous retrouvez sur l'excellente compilation du label indé Young and Lost Club. Je vous rappelle que c'est un label londonien très actif, hein, qui a sorti pas moins de 50 singles cette année. Vous en retrouverez d'ailleurs 34, hein, sur une double compilation qui vient de sortir à l'occasion du 5e anniversaire du label. Respectivement, Larry King Love, donc Six Queen chez Young and Lost Club, suivi de Bombay Bicycle Club, Evening Morning, et pour terminer la pop, on va dire calypso un petit peu, des Golden Silvers, single qu'on avait diffusé, il me semble, c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, qui s'appelle Arrows of Heroes. Je vous rappelle tout ça donc sur la compilation du label Young and Lost Club, 5 Years Old. Voilà, on continue avec une petite touche de reggae, tiens. Soleil, soleil, c'est l'été après tout. On y va, Label Rock sur le podcast 24h sur 24, 7 jours sur 7. We'll be right back. Soleil de la Jamaïque à l'honneur dans ce podcast de Label Rock et surtout la folie, la belle folie hein, de l'Hyperi and the Upsetters, Dread Dub Plate pour commencer, ça va sortir fin août et ceci grâce à l'excellent label de réédition Reggae Pressure Sounds, une petite merveille hein, de compilation vraiment recommandée pour tous les fans de l'Hyperi. L'Hyperi et ses Upsetters, donc ça s'appelle Sound System Scratch, 30 ans qu'on attend et qu'on peut enfin écouter, se procurer ces morceaux inédits et complètement exclusifs, des morceaux triturés par le maître du dub lui-même à l'époque dans son studio Black Ark, l'Hyperi and the Upsetters donc dans Label Rock. Et puis juste après, une autre perle impondue par nos amis anglais de Pressure Sounds, 12 morceaux qui ont émergé au début des années 80 mais sans laisser trop de traces hein, au niveau des ventes et surtout de la distribution. C'était produit par Prince Jammy et ben on retrouve désormais ces 12 titres plus facilement sur la compilation Strictly Dub Prince Jammy. Voilà, on va continuer un petit peu dans le reggae comme ça, tout ce qui est un petit peu musique du monde avec les Babyhead, hein, nouvelle signature du label Rockers Revolt. Ils viennent de Bristol, ils enregistrent donc sous le nom de Babyhead, 3 singles qui vont précéder la sortie de l'album prévu pour la rentrée. L'album s'appelle Heavy Weather, je vous ai présenté les 2 singles hein, qui sont sortis pour l'instant. Je vous passe une version dub hein, remixée par Lupo, ça s'appelle Jungle Lore. Les Babyhead dans Label Rock pour continuer avec cette petite vague ensoleillée. Seeking the same language. Yeah. Our heroes don't. above. The shaft of light would strike a chord. I craft this night work. A tightrope between three shows and left. Label Rock avec Sébastien Agas. Après la nouveauté anglaise, les Babyhead, des nouvelles du label anglais Babyfoot Records, avec ce coup-ci une nouveauté française. Ils sont bretons, deux frères et leur sœur, plus un pote à eux. Ils se font appeler Lazar, L-A-Z-H-A-R. Nouvelle signature donc de ce label Babyfoot Records avec ce premier extrait, hein, Anna. Extrait de leur album à venir à l'automne 2010. À noter que c'est produit et enregistré en Angleterre. Tiens, on reste du côté de l'Angleterre avec le label ATP Recordings. Et pourtant, un groupe américain, un trio assez énigmatique hein, qui vient de Los Angeles, qui s'appelle Autolux. Premier album en 2004, depuis 2006. Ils ont fait, bah, comme on dit, leur bonhomme de chemin et leur base de fans n'a fait qu'accroître. et depuis ils ont multiplié les premières parties pour par exemple des artistes qui ont voulu les avoir à côté d'eux, leur donner comme ça un petit coup de main. C'est le cas de PJ Harvey par exemple pour son premier tour en Russie, et encore plus récemment Thom Yorke avec son nouveau projet qui s'appelle Atoms for Peace. Le groupe s'appelle Autolux, l'album s'appelle Transit Transit sur le label ATP Recordings. Ça va sortir en août prochain chez La Baleine en France, et franchement il y a du très très bon dans ce rock indé au son américain avec des passages qui devraient combler les fans de Sonic Youth. On s'écoute ça tout de suite, Autolux, ça s'appelle Census. We'll be right back. Label Rock. Avec Sébastien Agas. Find a way to count it out. Label Rock avec Sébastien Agas. The current it is the bay. From the morning into the evening, swing onward through the day. La musique se fait légèrement plus expérimentale. Vous retrouvez ça notamment sur le podcast de Label Rock 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Autolux pour commencer, Census, le titre extrait de leur album qui s'appelle Transit. Transit, ça va sortir donc au mois d'août sur le label ATP Recordings. Et puis juste après, une petite découverte, découverte il n'y a pas si longtemps que ça, hein, par une amie du côté de Londres qui m'a fait découvrir ça. Elle me marque-t-elle, c'est un nouveau groupe qui nous vient de Londres. Il s'appelle Breton. Oui, c'est plutôt rigolo ça, Breton. Comme la belle région du nord de la France, hein, la Bretagne. Breton donc, c'est un second maxi intitulé Sharing Notes, disponible depuis le 5 juillet dernier. Et puis à l'instant, une collaboration plus ou moins inattendue, mais très prometteuse, hein, et très satisfaisante, qui réunit la fée islandaise Björk et le groupe de rock new-yorkais Dirty Projectors. Le nom de ce projet, ça s'appelle Mount Wittenberg Orca, avec un album plutôt court, hein, ça dure que 20 minutes. 7 morceaux en tout, écrits par le leader des Dirty Projectors, concentré donc de 7 pépites mi-rock, mi-electronica. À noter que c'est disponible depuis le 30 juin dernier et que quand vous achetez ce CD, tous les fonds sont recueillis par la National Geographic Society. Donc non seulement vous écoutez du très bon son, et en plus vous faites du bien pour la planète. At the end of the 70s, I will sing my last song, and then die with my memories of a bright life among all the junkies we've always been, all the fat old drunk ladies. We are there in the 70s, but never our weak bodies. Left a foot in a Hollywood, and for I don't know why, there was something really hardcore giving me the right to tell my life. So I took my uncle's guitar and my blue mother's suit, went on stage with my wooden foot, stamped as hard as I could. Guess I am really made for these years, but I don't really believe in these years. A girl full of mysteries, Sébastien Agas. We'll be right back. 인사드립니다. 강남이다. 말수를 불사하신다고 들었는데 오늘은 어찌 수를 거절하셨습니까? Eh bien, c'est avec ces deux nouveautés françaises que l'on va se quitter pour ce premier podcast de Label Rock pendant les vacances estivales. Carp 70 sur le label Square Dogs. Hein, je vous rappelle, c'est 5 Parisiens. C'est leur deuxième album. Ça s'appelle Day Walks, sorti le 25 mai dernier. Excellent disque de pop, hein, tout en légèreté et tout en douceur. Et puis, à l'instant, on peut pas parler franchement de douceur. Le titre s'appelle Spank, ce qui veut dire en français, c'est un mot anglais. En français, ça se traduit par la fessée, justement, grosse claque. Hein. 3 ans après l'impressionnant Underground Wobble, le grand retour du quintet basé à la Croix-Rousse à Lyon, les Hightone, évidemment, 5e album intitulé Outback. Et puisqu'on parle de fessée, bah, grosse claque hein, sur cet album Outback. Et je vous conseille de l'acheter, de monter le volume et d'écouter ça à fond pendant toutes vos vacances. On va se retrouver sur ce blog hein, de Label Rock avec d'autres émissions à venir, peut-être une autre avant que je disparaisse moi aussi pour 2 semaines du côté de la mer pour me reposer et profiter de la petite famille. En attendant, excellentes vacances et à très bientôt. Soyez sages, mais pas trop. Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h, 2 heures de son pas comme les autres.